Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Un petit message aux auditeurs et auditrices, je suis très heureux de vous retrouver après cette période de quelques mois. Alors aujourd'hui, on embarque pour un voyage, on part à la découverte de l'Europe en train. Tu veux parler du pass Interrail, Camille ? Non Yves, alors ça aurait en effet pu faire l'objet de la chronique, mais il s'agit plutôt de parler de 2021 qui a été consacré comme l'année européenne du rail par les institutions européennes. Et de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il s'agit, comme son nom l'indique, de faire la promotion de la mobilité douce et durable et de promouvoir le train comme mode de transport. C'est aussi l'occasion de démontrer l'importance de la planification et du financement d'infrastructures durables dans l'Union européenne. Enfin, c'est aussi l'opportunité de parler du Pacte vert européen qui a pour objectif de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Comment l'Union européenne compte-t-elle faire la promotion de l'année européenne du rail ? Eh bien, pour cela, un train nommé Connecting Europe Express va sillonner l'Europe et partir à la rencontre des citoyens européens. Est-ce que l'on peut participer au voyage ? Alors non, ce projet il a surtout vocation à mieux faire connaître les avantages du rail et les défis qui restent encore à relever par ce secteur. Faute de pouvoir monter à bord, vous pouvez néanmoins participer aux événements et aux activités organisées dans une gare près de chez vous. Quel est l'itinéraire de ce train Connecting Europe Express ? Alors, il est parti de Lisbonne, donc au Portugal, le 2 septembre. Il traversera 26 pays et s'arrêtera dans plus de 100 villes durant ses 5 semaines de trajet avant de terminer son périple à Paris le 7 octobre. Il s'arrêtera notamment dans la capitale slovène de Ljubljana pour faire le lien entre les présidences tournantes du Conseil de l'Union européenne, donc portugaise, slovène et française. Un stop est-il prévu en Grand Est ? Alors oui, le train s'arrête les 6 et 7 octobre à Strasbourg. On écoute maintenant une chanson, c'est Girl on a Train de Skizzy Mars. I met this pretty girl on the train. I fell in love before I even got her name. And I didn't even know where she was going. But she broke my heart when her stop came. On the L with some headphones on. I wonder what you bumping in those thin ears. I wanna say what up, but I've been scared. Vibes out of thin air, full car blank stares. I wonder if you single or you got a man. I bet you like me, you got a lot of fans. I wonder if you smoke, if you drink too. I wonder if you care what I think too. And we don't know each other, but that's all good. I'm chasing love like we all should. I wonder where she headed, Lord knows. Bed for that stop and them doors closed. Girl on the train, I know you're just a stranger. What is your name? Where are you going? Girl on the train, I don't know where I'll find you. Still on my mind when I got home. Now I'm all alone. City is fucking heartless, easy to get tired. There's beauty in all the darkness. There's wealth and all the poverty. You're like I won the lottery. You'll never get tired of me. You remind me of a lot of things. Martin and Gina, my Iliad and Odyssey. Girl, I wanna make you proud of me. I know I act stupid, but you know I'm talented. The chaos, the mayhem. Girl, smile, the sun's out. The city got crazy, but that's why it's fun now. Feel what I feel. Stop where I stop, you know what this is, and you got what I got. This feeling so rare, it don't happen a lot, no. Girl on the train, I know you're just a stranger. What is your name? Where are you going? Girl on the train, I don't know where I'll find you. Still on my mind when I got home. Now I'm all alone. I wanna come in first place. Fell in love and we skipped all the first dates. Shook my world up like an earthquake. You got me fucked up in the worst way. I'm a stranger in the first place, but I'm there when you celebrate your birthday. Where that girl heading, Lord knows. Better stop and them doors closed. Girl on the train, I know you're just a stranger. What is your name? Where are you going? Radio Fagette pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de l'année européenne du rail. Pourquoi faire la promotion du rail ? Eh bien, au-delà des avantages qu'il offre aux vacanciers et aux personnes qui l'empruntent pour se rendre sur leur lieu de travail chaque jour, le train, c'est un moyen de transport écologique pour le transport des marchandises partout en Europe. Justement, comment l'Union européenne soutient-elle le secteur du transport ? Alors, elle soutient financièrement le secteur du transport par le biais du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui représente une enveloppe de 33,7 milliards d'euros dans le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Que finance-t-il concrètement ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe ? Eh bien, le programme du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, il soutient les investissements dans les réseaux européens de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques. Son but, c'est de favoriser la double transition numérique et écologique de l'Europe en contribuant à la réalisation des objectifs ambitieux qui ont été fixés dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe et la décennie numérique. Comme indiqué dans le Pacte vert pour l'Europe, l'objectif c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2050, donc grâce à un système de transport intelligent, compétitif, sûr, accessible et abordable. Que prévoit-il d'autre ? Eh bien, ce programme du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, il va donner la priorité aux modes de transport respectueux de l'environnement, comme le rail, et au développement de points de recharge pour les véhicules qui utilisent des carburants de substitution. Que peux-tu nous dire sur le transport ferroviaire en Europe ? Eh bien, il faut savoir que les réseaux de transport ferroviaire, ils sont pour leur majorité électrifiés et que le train, il émet donc beaucoup moins de dioxyde de carbone responsable du réchauffement climatique que le transport routier ou aérien. Plus exactement, il est responsable de 0,4% des émissions de gaz à effet de serre donc générées par le transport dans l'Union européenne, tandis que le transport dans l'Union européenne, il génère à lui seul 25% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est le seul mode de transport qui a progressivement et constamment réduit ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie entre 1990 et 2017, en augmentant sa consommation d'énergie renouvelable. Pour quelle autre raison le train est appréciable ? Bien, le train, c'est aussi le mode de transport le plus sûr, hein, après l'avion, et qui compte le moins d'accidents graves. Bref, c'est un transport durable, sûr et agréable, et donc à privilégier. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Peut-être un dernier mot sur le projet phare Connecting Europe Express. Comment faire si je souhaite m'informer sur son trajet et participer aux activités ? Eh bien, pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site www.connectingeuropeexpress.eu pour les dernières informations. Merci Camille, c'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. Merci Yves.